Vous avez regardé l'interview du président à la télé hier soir ? Non, mais j'en ai entendu parler. C'est incroyable ce qui s'est passé.